الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication de hadith sur la croyance et le suivi réunis par l'éminent Cheikh, l'imam Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Nous en sommes au 20e hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple très parlant, afin de montrer que la personne et les sociétés ne peuvent trouver le salut que par l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout comme leur perte ne se trouve que par l'opposition à son message sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est donc rapporté par le noble compagnon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا. Mon exemple est l'exemple de ceux avec quoi Allah m'a envoyé, et celui d'un homme qui est venu à son peuple et a dit: ô mon peuple, j'ai certes vu l'armée de mes yeux, c'est-à-dire une armée venant pour les attaquer, et je suis l'avertisseur nu, alors sauvez-vous. Qu'est-ce que cela signifie, je suis l'avertisseur nu? C'est une expression qui est utilisée pour désigner une personne qui arrive pour avertir d'un mal qui approche et dont la parole ne peut être remise en question. Et l'origine de cette expression est qu'un homme s'est marié avec une femme d'une autre tribu que la sienne. Et la tribu de son épouse prit la décision d'attaquer la tribu de cet homme. Et ils ont eu peur que cet homme s'empresse d'aller prévenir les siens. Alors ils ont ordonné à des gens de le surveiller après lui avoir retiré l'ensemble de ses vêtements. Mais ce dernier réussit à se sauver et s'empressa de se rendre auprès de sa tribu afin de les prévenir. Et on rapporte qu'il commença par leur dire: « Je suis l'avertisseur nu ». Donc ceci est resté une expression utilisée pour désigner toute personne venant prévenir d'un mal imminent et dont on ne remet pas en question la véracité de sa parole et de son avertissement. Et tel est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avertir contre un châtiment douloureux ceux qui ne lui obéissent pas, ne suivent pas son message et ne vouent pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Il dit donc sallallahu alayhi wa sallam concernant cet avertisseur: فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْتَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا. Un groupe parmi les gens de son peuple lui a obéi. Ils sont partis durant la nuit et ont été sauvés. وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشِ فَأَهْلَكَهُمْ وَجَتَاحَهُمْ. Tandis qu'un autre groupe l'a démenti, l'a traité de menteur. L'armée les attaqua alors de bon matin et les anéantit et les fit périr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. Tel est l'exemple de ceux qui m'ont obéi et ont suivi ce avec quoi je suis venu, et l'exemple de ceux qui m'ont désobéi et ont démenti la vérité avec laquelle je suis venu. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur le fait que le seul moyen d'obtenir le salut est d'être sauvé du châtiment et de ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre son message et la vérité avec laquelle il est venu, de suivre le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la religion de vérité. Il a appelé à la bonne voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala à son agrément et au paradis. Il est venu avec des signes évidents, des preuves claires et explicites, des arguments irréfutables, démontrant sa véracité et la vérité de ce avec quoi il est venu, et qu'il est réellement un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque souhaite le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, alors qu'il sache qu'il n'y a pas de moyen d'atteindre cet objectif, si ce n'est en croyant au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le suivant et en lui obéissant. Ainsi il connaîtra le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi il sera sauvé du châtiment et ainsi il n'encourira pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui sont pris d'orgueil et qui s'entêtent dans la mécréance et le polythéisme, le traitent de menteur et lui désobéissent, ceux-là, ils encourent donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et courent ainsi à leur perte et vers un châtiment douloureux dans l'au-delà et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et ce châtiment n'est qu'une rétribution de leur mécréance, de leur orgueil, de leur entêtement dans le fait de démentir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et également une rétribution pour leur suivi de leur passion et leur insoumission à la vérité. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple qui est un exemple très clair démontrant que le salut ne peut être obtenu qu'en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous avertir contre la perdition qu'encourt toute personne qui s'oppose à son message. Et il nous a avertis à la manière de cette personne qui, soucieuse de sauver son peuple de la perdition, en vient à s'enfuir sans vêtements pour les prévenir de ce danger imminent. Et c'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait de grands efforts pour nous avertir contre le danger qu'encourt ceux qui s'oppose à son message. Quiconque a cru en lui et lui a obéi, il a certes fait ce qui lui incombe et a ainsi fait les causes, le menant au salut et le préservant du danger, du feu de l'enfer et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque l'a démenti et lui a désobéi et n'a pas tenu compte de son avertissement, alors il s'est abandonné lui-même à sa perte et à son anéantissement. Wallahu al-musta'an. Donc on tire comme bénéfice de ce hadith, premièrement, l'éloquence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait des exemples concrets pour faire comprendre de manière claire et évidente la réalité de différentes situations. Et il a fait cela dans plusieurs hadiths. Et ce hadith est très clair pour nous montrer le danger encouru par ceux qui s'opposent à son message. Et que ce danger est proche, ce danger est imminent, et qatarabat as-sa'a, l'heure est proche. Nombre de personnes sont insouciants de cela, et pensent qu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux, alors qu'en réalité l'heure est proche. Donc ceci nous incite à quoi? Ceci nous incite à nous empresser vers l'obéissance à Allah, et l'obéissance à son messager sallallahu alayhi wa sallam, à ne pas retarder cela, à ne pas repousser sans cesse les choses au lendemain, à plus tard, à dans un an ou dans deux ans ou je ne sais quoi, non. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, tu te dois de te soumettre à cela en accomplissant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit. Et de la même manière concernant les ordres et les interdits, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il t'a ordonné, empresse-toi de le faire, et tout ce qu'il t'a interdit, empresse-toi de le délaisser si tu souhaites obtenir le salut et être préservé du châtiment et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, on voit la bienveillance de notre messager sallallahu alayhi wa sallam et son désir ardent de guider les gens à la vérité, au point d'être comparé à cet avertisseur dépourvu de vêtements, qui fait tout ce qui est en son possible pour sauver son peuple de la perdition et pour les mener au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié le chemin. Il nous a montré la voie menant au paradis et à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à nous d'emprunter ce chemin. Le chemin est clair et il est devant nous. Celui qui le veut, qu'il l'emprunte, et il obtiendra ainsi l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui le veut, qu'il s'en détourne, et qu'il ne blâme ensuite que sa propre personne. Enfin, parmi les bénéfices que l'on peut citer ici, tirés de ce hadith, il y a le fait que le bonheur, la réussite et le succès ne s'obtiennent que par l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et au suivi de ce avec quoi il est venu, c'est-à-dire le Coran et la Sunnah. Et de la même manière, la destruction, la perdition, ici-bas et dans l'au-delà, sont la conséquence du démenti du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de l'opposition à son message et de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car cette désobéissance mène au feu de l'enfer. Et celui qui désobéit au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si, par cette désobéissance, il indiquait qu'il refusait d'entrer au paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith authentique, « Toute ma communauté entrera au paradis. » Toute ma communauté, à l'exception de ceux qui refusent. Les compagnons, radiyallahu anhum, à l'écoute de cette parole, ils ont été surpris. Comment quelqu'un pourrait refuser d'entrer dans un paradis éternel dans lequel il n'y a plus aucune souffrance, dans lequel il y a comme délice ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Un paradis où les personnes qui y entreront, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux, ne connaîtront que du bonheur et des délices. Et parmi les plus grands délices et les plus grands bienfaits dont ils jouiront, au paradis il y a le fait qu'ils pourront voir leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc comment une personne pourrait refuser d'entrer dans ce paradis? Les compagnons radiyallahu anhum ont donc dit, « Ô messager d'Allah, mais qui refuserait ?» Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. » Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit a certes refusé. Il a refusé d'entrer au paradis en raison de sa désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc rappelle-toi de cela lorsque ton âme, incitatrice au mal, t'appelle au péché. Rappelle-toi que ce péché est une marque de refus d'entrer au paradis. C'est comme si tu faisais les causes pour ne pas y entrer. Et si tu souhaites y entrer, tu dois t'écarter de toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam et faire de grands efforts dans les œuvres de bien, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam et faire de grands efforts dans les bonnes actions. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi les serviteurs obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam et de nous faire entrer au paradis. On a donc terminé avec ce hadith. والحمد لله رب العالمين